La radiodiffusion télévision française vous invite à écouter Maryse Paillet et Roger Blin dans « Tous ceux qui tombent », pièce radiophonique de Samuel Beckett, traduite de l'anglais par Robert Pinget. Avec Pierre Latour, Georges Adet, Léon Scorne, Jean Martin, Albert Rémy, Raymond, Jacqueline Harpet, Ariel Semenoff et Patrick Morin. À la batterie Lino Pirollo, prise de son Guy Louvet, réalisation Alain Trutin. Pauvre femme, toute seule dans cette vieille baraque en ruine. C'est vous, Christy? C'est lui, madame. Il me semblait bien reconnaître le bardeau. Comment va votre pauvre femme? Pas mieux, madame. Votre sœur, alors? Pas pire, madame. Pourquoi vous arrêtez-vous? Mais pourquoi m'arrêtais-je? Beau temps pour les courses, madame. Sans doute, sans doute. Mais se maintiendra-t-il? Maintiendra-t-il? Vous n'auriez pas besoin des fois. Le rapide déjà, c'est pas du possible. Rapide mes fesses. Oh, Dieu soit loué. J'aurais juré que c'était lui, ce bruit de tonnerre au loin. Alors comme ça, ça hennit les bardeaux. Dans le fond, pourquoi pas? Vous n'auriez pas besoin des fois d'un petit tombereau de fumier? Du fumier? Quel genre de fumier? Du fumier de cochon. De cochon? Au moins, vous êtes franc. J'en parlerai à mon mari. Christy. Oui, madame. Vous ne trouvez pas ma façon de parler un peu bizarre? Je ne parle pas de la voix. Non. Je parle des mots. Je n'emploie que les mots les plus simples, j'espère. Et cependant, quelquefois, je trouve ma façon de parler très bizarre. Miséricorde, quel est ce bruit? C'est rien, ma'am. Il pète le feu aujourd'hui. Du fumier? Qu'est-ce qu'on en ferait à notre âge? Pourquoi allez-vous à pied? Pourquoi ne pas grimper là-haut sur votre fumier et vous laisser voiturer? Vous êtes sujet au vertige? Saleté. Saleté de bourrique. Il ne bouge pas d'un poil. Moi aussi, je ferais bien de me trotter si je ne veux pas être en retard à la gare. Il y a un instant, il piaffait, il hennissait, et le voilà qui refuse d'avancer. Flanquez-lui donc un vache coup sur les fesses. Plus fort! Eh ben, si on en faisait autant pour moi, ça ne traînerait pas. Comme il me fixe. De ses grands yeux qui pleurent sous la morsure des temps. Si je poursuivais mon chemin, qu'il ne me voit plus. Non, assez! Prenez-le par l'abri, détournez-lui la tête, qu'il ne me voit plus. Oh, c'est affreux. Qu'est-ce que j'ai encore fait, au bon Dieu? Il y a si longtemps. Avant le temps. Non. Avant le temps au lac hier. Par le tam-tam-tam de la nuit. Comment continuer? Je ne peux pas. Oh, me répandre par terre comme une bouse et ne plus bouger. Une grosse bouse couverte de poussière et de mouches. On viendrait m'enlever à la pelle. Mon Dieu! Encore ce rapide qui arrive. Qu'est-ce que je vais devenir? Oui, oui. Je sais. Je ne suis qu'une vieille folle. Pourrie de chagrin et de remords et de bonnes manières. Et de prières et de graisse. Et de douleur. Et de stérilité. Minnie! Petite Minnie! De l'amour. C'est tout ce que je demandais. Un peu d'amour, tous les jours, deux fois par jour. 50 ans d'amour, deux fois par jour, à Paris, dans les bras d'un boucher chevalin. Quelle femme normale a besoin d'affection? Un bécot le matin sur la mâchoire, près de l'oreille, et un autre le soir, bec bec, jusqu'à ce qu'un bouc vous pousse. Oh, jolie cities, te revoilà. Madame Rooney, vous permettez que je garde ma casquette, si j'y touche, je ramasse une pelle. Quel temps exquis pour les courses. Oh, monsieur Tyler! Vous m'avez fait mourir de peur. Me tomber dessus comme ça sans crier gare. Comme un chou. Oh! Ah, pardon. J'ai fait marcher mon timbre. Drin, drin. Dès que je vous ai repéré, n'allez pas me dire le contraire. Votre timbre et vous, monsieur Tyler, ça fait deux. Comment va votre pauvre fille? Pas mal. Pas mal. Ils m'ont tout enlevé, vous savez. Tout le tremblement. Dans l'eau, mes petits enfants. Seigneur, comme vous zigzaguez. Descendez, je vous en supplie. Ou alors filez en avant. Et si je posais légèrement ma main sur votre épaule, Madame Rooney, qu'en diriez-vous? Oui? Non, Monsieur Rooney. Tyler, je veux dire. J'en ai ma claque, des vieilles mains légères sur mon épaule et autres endroits insensés, toujours à côté. Ma claque. Seigneur, voilà la camionnette de Connelly. Ça va, monsieur Tyler? Où est-il? Ah, oh, vous voilà! Il s'en est fallu d'un cheveu. J'ai atterri à point nommé. Sortir de nos jours, c'est le suicide assuré. Mais restez chez soi, monsieur Tyler. Restez chez soi. Qu'est-ce que c'est? S'éteindre un petit feu. Nous voilà blancs de poussière de la tête aux pieds. Qu'est-il? Rien, madame, rien. Je ne faisais que maudire doucement Dieu et les hommes, tout doucement. Et le samedi après-midi, où par un temps de chien, cet enfant mâle fut conçu. Mon pleu arrière est à plat. Je l'ai gonflé à bloc avant de partir et me voilà sur la jante. Pauvre! Ah, si c'était l'avant, passe encore. Mais l'arrière, l'arrière! Ah, la chaîne, l'huile, la graisse, les cieux, le tirailleur. Non, non, ça m'est trop. Sommes-nous très en retard, monsieur Tyler? Je n'ai pas le courage de regarder ma montre. En retard? Tout allait bien. Je roulais comme un ange et j'étais déjà en retard. Nous sommes donc maintenant doublement en retard. Triplement, quadruplement en retard. Que ne vous ai-je doublé sans l'ouvrir? Vous allez au-devant de qui, monsieur Tyler? Harvey. Une région de la montagne ensemble. Je lui ai sauvé la vie une fois. Moi, je ne l'ai pas oublié. Arrêtons-nous un instant. Le temps que cette saleté de poussière retombe sur cette saleté de terre. Quel ciel! Quelle lumière! Oh, madame, malgré tout, quelle bénédiction d'être vivant par un temps pareil et sorti de l'hôpital. Vivant? Eh ben, disons à moitié. Parlez pour vous, monsieur Tyler. Moi, je n'en suis pas là, loin de là. Mais qu'est-ce qu'on fait planter là? Cette poussière ne retombera pas de notre vivant? Et pourquoi retomberait-elle? Pour se faire renvoyer tourbillonner au ciel par le premier bolide qui passe. Alors, on y va? Non. Et voyons, madame. Allez, monsieur, passez votre chemin et laissez-moi là. À écouter roucouler les palombes. Si vous voyez mon pauvre aveugle de Dan, dites-lui que j'allais à sa rencontre quand tout m'est retombé dessus, comme une cataracte. Dites-lui, votre pauvre femme vous fait dire que tout lui est retombé dessus, comme une avalanche, et qu'elle est rentrée à la maison, tout simplement, à la maison. Voyons, madame, courage. Venez, le rapide n'est pas encore passé. Prenez mon bras libre et nous y serons bien avant l'heure. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous ne voyez pas que j'ai de la peine? Vous n'avez donc aucun égard pour ceux qui souffrent? Minnie. Ma petite Minnie. Voyons, madame, courage. Venez, le rapide n'est pas encore passé. Prenez mon bras libre et nous y serons bien avant l'heure. Elle aurait dans les 40 ans, à présent. Je ne sais pas, 50. Tremblant tout son joli petit corps, au seuil du retour d'âge. Voyons, madame, courage. Venez, le rapide. Allez, vous me fichez la paix, monsieur Rooney. Tyler, je veux dire, allez, vous me fichez la paix. À la fin, vous ne m'avez pas encore assez tourmenté. Quel est ce pays où une femme ne peut pas se promener tranquillement par monts et par veaux, en pleurant toutes les larmes de son corps, sans être empoisonnée par des coulissiers à la retraite? Mon Dieu, vous n'allez pas rouler à plat. Et votre chambre à air, vous allez la mettre en lambeaux. Thank you. l'oiseau de Vénus, se bécotant dans les bois tout le long de l'été. Maudit corset, si je pouvais le délasser sans outrage à la pudeur. Monsieur Tyler, Monsieur Tyler, revenez vite me desserrer derrière la haie. Mais qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Oh, jamais tranquille. Vieille peau qui pète, vieux crâne qui éclate. Oh, partir en atome. En atome. Atome! Jésus. Quelque chose qui ne va pas, Madame Rony. Vous voulez plier en deux. Vous avez mal au ventre. Ça, par exemple, mon vieux flirte, monsieur le secrétaire général, dans sa limousine. Puis je veux déposer quelque part, madame. Vous allez dans ma direction. Dame, nous y allons tous. Comment va votre pauvre mère? Merci, il faut pas se plaindre. Nous veillons à ce qu'elle souffre pas trop. C'est là le principal, n'est-ce pas? En effet, monsieur, c'est là le principal. Je me demande comment vous vous y prenez. Oh, c'est gai! Puis-je donc vous déposer quelque part? Oh, quelle joie ce serait pour moi, cher ami, quelle joie! Mais vais-je pouvoir monter? Vous avez l'air très haut perché aujourd'hui. Ces nouveaux pneus ballons, sans doute. Pas moyen d'ouvrir cette capote, non? Non, rien à faire. Je n'y arriverai jamais. Descendez, mon cher, et poussez-moi par derrière. Vous dites? C'est vous qui m'avez fait des propositions, monsieur. Moi, je ne vous ai rien demandé. Passez votre chemin, monsieur. Passez votre chemin. J'arrive, madame. J'arrive. Une seconde. Je suis raide, moi aussi. Raide, moi, ce monceau de gélatine. Vieux beau. Voilà, madame Rony, je suis prêt. Comment est-ce qu'on s'y prend? Comme si j'étais une balle de son. N'ayez pas peur. Ouais. Là. Voilà. Plus bas. Attendez. Non, ne me lâchez pas. Mettons que j'arrive à monter. Arriverai-je à redescendre? Vous descendrez, madame, vous descendrez. Nous n'arriverons peut-être pas à vous faire monter. Mais je vous garantis que nous arriverons à vous faire descendre. Luba, n'ayez pas peur. Nous avons passé l'âge de... Là, votre épaule par-dessous. Oh, oh ciel. Plus haut, plus haut. Ah, je suis dedans. Ma robe. Vous avez coincé ma robe. Ma jolie robe. Regardez ce que vous avez fait de ma jolie robe. Que dira Dan quand il verra ça? Il a donc recouvré la vue? Depuis quand? Non, je veux dire quand il saura. Que dira-t-il quand il sentira le trou? Qu'est-ce que vous faites? Je regarde droit devant moi, à travers le pare-brise, dans le vide. Mettez-la en marche, je vous en supplie, et partons, c'est affreux. Depuis l'aube, elle roule comme un ange, et la voilà fichue. Les bonnes actions, hein, parlons-en. Et si j'essayais avec l'étrangleur? Je lui laissais trop d'air. quel pas. On picore son crottin tout heureux, au bon soleil. Un petit bain de poussière par-ci, par-là. Et tout d'un coup, frac, adieu. Adieu, œuf, poussin, adieu. Un cri, un seul, puis rideau. On lui aurait tordu le cou de toute façon, tôt ou tard. Voici la gare, je descends. Qu'est-ce que vous fabriquez encore? Nous sommes arrêtés, il n'y a plus de danger, vous cornez? Si au lieu de corner maintenant, vous aviez corné pour cette malheureuse. Descends, Tommy! Et aide la dame à sortir de là. Elle est coincée. Et ouvre la portière, Tommy. Et délivre-la. Oui, monsieur. Belle journée pour les courses, monsieur. Vous n'auriez pas un tuyau Mais je vous pour... en prie. Ne vous occupez pas de moi. Je n'existe pas. Le fait est notoire. Fais ce qu'on te demande, Tommy, pour l'amour du ciel. Bien, monsieur. Doucement, Tommy. Doucement. Ne me bouscule pas. Laisse-moi seulement pivoter. Que je puisse poser le pied par terre. Voilà. Votre plume. N'ayez pas peur. Doucement, bon Dieu, tu veux me décapiter. Courbez-vous, madame. Courbez-vous et passez la tête. Le courber encore, à mon âge, c'est de la démence. Allez, passez dessus, monsieur. Pitié. Ça vient, ça vient. Redressez-vous, madame. Ça y est. Je suis sortie. Tommy! Tommy! Où est cet enfant de salaud? Vous n'auriez pas un tuyau pour le prix des dames, monsieur? On m'a filé Flash Harry. Flash Harry? C'est un Harry Dell? Tommy! Je vais t'arracher les... Pardon, madame. Qui c'est qui m'escane cette boîte à vitesse? C'est cette vieille tante de Slocum. Vieille tante! En voilà une façon de parler de ses supérieurs. Vieille tante. Toi. Un enfant trouvé. Qu'est-ce que tu fous là à traîner sur la route? T'as rien à faire ici. Allez, ousse! File sur le guet et sors-moi le diable. Tu ne sais pas que le midi 30 va nous tomber dessus en moins de deux. Rendre service aux gens, oh, parlons-en. Allez, grouille! Tu entends ou gare au rapport? Tu veux mon pied quelque part? Ah, cette vie... Eh bien, Madame Rooney, ça fait plaisir de vous voir sur pied. Vous êtes restée longtemps au lit? Pas assez, Monsieur Barrel, pas assez. Ah, être encore au lit, Monsieur Barrel. Être encore dans mon bon lit, en train de fondre tout doucement, sans douleur, me sustentant de bouillie et de blanc de poulet, et finir plate comme une limande sous les couvertures. Oh, sans tousser, bien sûr, ni cracher, ni saigner, ni vomir, en me rappelant tout ce piètre malheur, comme si il n'avait jamais été. Mais qu'est-ce que j'ai fait de ce mouchoir? Ça fait combien de temps que vous êtes chef de gare ici? Ma foi, madame, là, vous m'en demandez trop. Vous avez remplacé votre père, si je ne me trompe, quand il a amené ses drapeaux. Pauvre papa, il n'a pas eu le temps de planter beaucoup de choux. Je revois comme si c'était hier. Un petit veuf rougeau, à la figure de fouine, sourd comme un pot, toujours en train de grogner de geindre. Et vous-même? Ce n'est pas bientôt l'heure du repos, au milieu de vos rosiers? Vous disiez que le midi 30 allait bientôt nous tomber dessus, si j'ai bien compris. Ça, vous l'avez bien compris. Mais si j'en crois ma montre, dont l'heure est celle où l'était, de l'horloge parlante, il doit être maintenant pas loin de midi 36. Et cependant, le rapide n'est pas encore passé. Aussi vite que je ne m'en suis pas aperçue. Car tout à l'heure, maintenant ça me revient, j'étais tellement abîmée dans ma douleur que je n'aurais pas entendu un rouleau compresseur me passer dessus. Ne partez pas, monsieur Barrel. Monsieur Barrel. Monsieur Barrel. Qu'est-ce que c'est, madame Rooney? J'ai du travail, moi. Le vent se lève. Fini le beau temps pour aujourd'hui. Bientôt la pluie va tomber tout l'après-midi. Puis ce sera le soir, le ciel se dégagera, le soleil brillera un instant avant de plonger derrière les collines. Monsieur Barrel! Je les indispose tous. Ils viennent à moi, sans que je les appelle, sans rancune, plein de gentillesse, prêts à m'aider, sincèrement heureux de me revoir si fraîche. Et dispose. Deux mots de mon cœur. Et me revoilà seule une fois de plus. Je ne devrais plus sortir. Plus jamais. Plus bouger de l'enceinte. La fifite. Je me demande si elle va me saluer. Oui, je veux, oui, je veux aller aux cieux. Oui, je veux, oui. Mademoiselle Fitte! Suis-je donc invisible, mademoiselle? Ce fila-fila-fleur me va donc si bien que je me confonds avec le mur? C'est ça, mademoiselle. Écarquillez bien les yeux et vous finirez par distinguer une ci-devant silhouette de femme. Madame Rooney, je vous ai vue, mais sans vous voir. Dimanche dernier, nous étions ensemble au temple. Nous nous sommes agenouillés devant le même autel. Nous nous sommes abreuvés au même calice. Ai-je donc tellement changé depuis lors? Mais madame, au temple, je suis seule avec mon créateur. Vous pas? Le sacristain lui-même, quand il fait la quête, c'est qu'il est inutile de s'arrêter devant moi. Je ne vois même pas l'assiette ou la bourse. Enfin, la chose qu'on vous tend, comment le pourrais-je? Même lorsque tout est fini et que je me retrouve dehors à l'air pur, même à ce moment-là, sur 200 mètres au moins, je titube dans une sorte d'éblouissement sans voir les autres fidèles. Et ils sont gentils, je dois le dire, la plupart très gentils et compréhensifs. Ils me connaissent maintenant et ne m'en tiennent pas rigueur. La voilà, disent-ils, la brune demoiselle Fitte. La voilà qui s'en va toute seule avec son créateur. Fichons-lui la paix. Ils descendent du trottoir pour m'éviter de leur entrer dedans. Oh oui, je suis distraite, très distraite. Même en semaine. Demandez à maman si vous ne me croyez pas. Etty, me dit-elle, quand je me mets à manger ma serviette au lieu de ma tartine de beurre. Etty, me dit-elle, comment peut-on être tellement distraite? À vrai dire, je pense que je ne suis pas là, Madame Rony. Tout simplement pas là. Je vois, j'entends, je sens, et ainsi de suite, je m'acquitte des gestes habituels. Mais le cœur n'y est pas, Madame Rony. Le cœur n'y est pas du tout. Laissée à moi-même sans personne pour me retenir, je serai vite envolée dans ma vraie patrie. N'allez donc pas croire que j'ai fait exprès de ne pas vous voir. Ce serait me faire une injure. Je n'ai vu qu'une espèce de grosse tache pâle, encore une. Ça ne va pas, Madame Rony. Vous avez l'air, comment dire, si drôle, si courbé, si penché. Madame Rony, Nathan, espèce de grosse tache pâle. Vous avez un œil de lynx, mademoiselle. Vous ne vous rendez pas compte. Littéralement de lynx. Eh bien, puisque je suis là maintenant, qu'y a-t-il pour votre service? Si vous m'aidiez à escalader cette falaise, mademoiselle, je pense que votre créateur vous le revaudrait, lui au moins. Allez, allez, Madame Rony, rentrez vos griffes, revaudrez. Ces corvées, je les fais gracieusement ou pas du tout. Vous voulez sans doute vous appuyer sur moi? J'ai demandé à Monsieur Barrel de me prêter son bras. Simplement de me prêter son bras. Il a tourné les talons et m'a planté là. Alors, c'est mon bras que vous voulez? C'est mon bras que vous voulez, madame, ou quoi? Votre bras, n'importe quel bras, un bras, une main secourable, 5 secondes. Jésus, quelle planète! Oh, vraiment, vous voulez que je vous dise? J'ai l'impression que ça ne vous vaut rien de sortir. Descendez, mademoiselle, descendez de là et donnez-moi le bras ou j'ameute la paroisse. C'est bon. Allons jusqu'au bout de nos devoirs de protestantes. Les fourmis font entre elles. J'ai vu des limaces le faire. Non, mademoiselle, le droit, si ça ne vous fait rien, je suis gauchère, pour comble de bonheur. Aïe! Oh, vous n'êtes qu'un sac d'os. Il vous faut vous remplumer. C'est pire que le Matterhorn. Vous y êtes montée? Toujours noire de jeune mariée. Ah, même une rampe. Attendez que je souffle. Mais ne me lâchez pas. Oui, je veux. Oui, je veux. Aller au ciel. Oui, je veux. Ma forteresse, mon protecteur, mon recours dans la détresse. Oh, arrêtez, Madame Rony! Arrêtez ou je vous lâche! Ce n'est pas ça qu'ils ont chanté sur le Lusitania? Ou est-ce que je confonds avec mon Dieu plus près de toi? Ça devait être émouvant. Où est-ce que je confonds avec le Titanic? Nom de beau temps pour les courses! Oh, oh, Dolly! Regarde! Quoi, maman? Elles sont coincées! Voilà la risée des 26 comtés. À moins qu'il ne soit 36. Voilà une façon de traiter des subordonnés sans défense, Monsieur Barrel. À coup de poing, sans préavis, dans le bas-ventre. Est-ce que quelqu'un a vu ma mère? Qui est-ce? La brune demoiselle Fitte. Mais où est sa tête? Voilà, mon enfant. Je suis à vous. Quand vous voudrez. Arrière! Manon! Attention, Denis! Merci! Merci! Ça suffit! Vous n'avez plus qu'à m'appuyer contre le mur, comme si j'étais un tapis roulé. Et ce sera tout, pour l'instant. Je suis désolée de tout ce branle-bas, mademoiselle. Si j'avais su que vous cherchiez votre maman, je ne vous aurais pas importunée. Je sais ce que c'est. Viens, Dolly. Viens, mon agneau. Allons-nous poster devant l'arrêt des premières non-fumeurs. Donne ta menotte et tiens-moi ferme. Quelquefois, on est aspiré sous les roues. Vous avez perdu votre mère, mademoiselle. Bonjour, monsieur Tyler. Bonjour, mademoiselle Fitt. Bonjour, mademoiselle Fitt. Bonjour, monsieur Barrel. Vous avez perdu votre mère, mademoiselle. Elle m'a dit qu'elle arriverait par le dernier train. Ne vous imaginez pas, parce que je me tais, que je ne suis pas là. Et attentive à tout ce qui se passe. Quand vous dites le dernier train... Ne vous flattez pas un seul instant, parce que je me tiens momentanément à l'écart, que j'ai cessé de souffrir. Non, je vois la Seine. Les collines. La plaine. Le champ de course avec ses kilomètres de clôture blanche et ses trois tribunes rouges. Et ce petit bijou de garde de campagne, oui. Et vous-même. Je ne plaisante pas. Et par-dessus toutes ces laideurs, l'azur qui se couvre. Oui, je me tiens là et je vois tout ça. Avec des yeux. Des yeux. Oh! Si vous aviez mes yeux, vous comprendriez les choses qu'ils ont vues, sans se détourner. Tout ça n'est rien. Rien. Qu'est-ce que j'ai fait de ce mouchoir? Quand vous dites le dernier train... Quand vous dites le dernier train, mademoiselle, sans doute faites-vous allusion au midi 30. À quel autre pourrais-je faire allusion, monsieur Thaler? À quel autre est-il concevable que je fasse allusion? En ce cas, mademoiselle, vous n'avez pas à vous tourmenter, car le midi 30 n'est pas encore arrivé. Oh. Regardez. Non, en amont. Non, mademoiselle, suivez mon index. Voilà. Vous voyez maintenant. Le sémaphore, à l'obscène horizontale de 9 heures. Ou de 3 heures. Merci, monsieur Barrel. Mais il va être bientôt. Nous savons tous, mademoiselle, nous ne savons tous que trop bien ce qu'il va être bientôt. Il n'en reste pas moins, que cela nous plaise ou non, que le midi 30 n'est pas encore arrivé. Pas d'accident, au moins. Ne me dites pas qu'il est sorti des rails. Petite maman chérie, avec l'aliment de notre déjeuner. Assez déconné, toi. File à la cabine et demande à monsieur Kess s'il y a du nouveau. Oh, pauvre Dan. Allons, mademoiselle Fitt. Pauvre Dan. Ah, malheur, je le savais. Allons, allons, mademoiselle Fitt. Ne vous laissez pas aller au désespoir. Tout s'arrangera à la fin. Entre nous, monsieur Barrel, de quoi s'agit-il au juste? D'une collision? On ne peut pas le croire. Une collision? Oh, ce serait merveilleux. Une collision? Je le savais. Venez, mademoiselle, allons un peu sur le quai. C'est ça, allons-y tous. Non? Vous avez changé d'avis. Tout à fait d'accord. On est mieux ici. À l'ombre de la salle d'attente. Excusez-moi un instant. Avant de vous esquiver, monsieur Barreux, une petite mise au point, je l'exige. Même l'omnibus le plus poussif n'a pas 10 minutes, que dis-je, 11 minutes de retard sur ce bref parcours sans motif, j'imagine. Que votre gare soit la plus coquette de l'ensemble du réseau, nous le savons tous. Mais il y a des moments où cela ne suffit pas. Non, vraiment pas. Allons, monsieur Barreux. Assez de broutiller votre moustache. Nous attendons une explication, nous, les parents les plus proches, sinon les plus chers, de vos infortunés demi-tarifs. Il me semble en effet qu'on nous doit quelques éclaircissements. Ne serait-ce que pour nous tranquilliser. Je ne sais rien. Il y a eu un accident technique, c'est tout ce que je sais. Le trafic est retardé sur toute la ligne. Retardé. Un accident technique. C'est célibataire. Nous sommes là en train de nous ronger les sangs pour nos bien-aimés et il appelle ça un accident technique. Ceux d'entre nous qui ont le cœur et la rate dilatés, et c'est mon cas, peuvent s'affaler d'une seconde à l'autre et il appelle ça un accident technique. Dans nos fours, le rôti du samedi est en train de se carboniser et il appelle ça... Voici Tommy qui arrive au pas de course. Oh, je suis content d'avoir vu ça avant de mourir. Il arrive. Il est au passage à niveau. Que j'ai enduré pour venir jusqu'ici et il n'est pas dedans. Monsieur Barrel, il n'était pas dedans. Ça ne va pas. Vous avez vu un fantôme. Tommy, il n'était pas dedans. Il arrive, madame. Jerry s'en occupe. Te voilà enfin. D'où sors-tu, pour l'amour du ciel? Maddy. Mais d'où sors-tu? Des cabinets. Embrasse-moi. T'embrasser? En public, sur le quai, devant le petit? Tu es tombé sur la tête? Jerry s'en fiche. N'est-ce pas, Jerry? Oui, madame. Comment va ton pauvre papa? Ils l'ont apporté, madame. Alors te voilà seule au monde? Oui, madame. Pourquoi es-tu venue? Tu ne m'as pas prévenue. Je voulais te faire une surprise pour ton anniversaire. Mon anniversaire? Tu ne te rappelles pas? Je te l'ai souhaité dans la salle de bain. J'ai rien entendu. Mais je t'ai donné une cravate. Tu l'arbores? J'ai quel âge maintenant? T'occupe pas de ça. Viens. Pourquoi n'as-tu pas décommandé le petit? Maintenant, il va falloir lui donner un penny. J'ai oublié. J'ai cru que je n'allais jamais arriver. Tous ces gens épouvantables. Sois gentil, Dan. Sois gentil avec moi aujourd'hui. Donne-lui un penny. Tiens, Jerry. Voici un penny. Cours vite acheter un rocher praliné. Oui, madame. Viens me chercher lundi, si je vis encore. Oui, monsieur. Nous aurions pu économiser 6 pence. Nous en avons économisé 5. Et à quel prix? Tu n'es pas bien? Une fois pour toutes, ne me demande pas de parler et d'avancer en même temps. Je ne te le redirai plus dans cette vie. Tu n'es pas... Finissons-en avec ce précipice. Mets ton bras autour de moi. Tu as encore bu? Tu trembles comme une feuille. Vas-tu pouvoir me guider? On va tomber dans le fossé. Oh, Dan. Ce sera comme autrefois. Ressaisis-toi ou j'envoie chercher le fiacre. Alors, au lieu d'avoir économisé 6 pence... Non, 5. Nous en aurons perdu... 2 aurons dilapidé la somme de 2 shillings et 1 penny. Maudit soleil qui se cache. À quoi ressemble le ciel? Un ciel qui se voile. Fini le beau temps pour aujourd'hui. Ce sera bientôt la pluie, les premières grosses gouttes. Plof, plof dans la poussière. Et ce salopard de baromètre au beau fixe. Rentrons vite nous installer devant le feu. Nous tirerons les rideaux. Tu me liras un chapitre. Je sens qu'Effie va coucher avec le major. Attends! J'ai monté et descendu ces marches 5000 fois. Et je ne sais pas encore combien il y en a. Quand je crois qu'il y en a 6, il y en a 4 ou 5 ou 7 ou 8... Et quand je me rappelle qu'il y en a 5, il y en a 3 ou 4 ou 6 ou 7. Et quand finalement je me rends compte qu'il y en a 7, il y en a 5 ou 6 ou 8 ou 9. Parfois je me demande si on ne vient pas les changer pendant la nuit. Eh bien, il y en a combien aujourd'hui d'après toi? Ne me demande pas de compter, Dan, pas maintenant. Pas compter. Un des rares plaisirs de la vie. Pas les marches, Dan, je t'en prie, je me trompe toujours. Je pourrais te faire tomber sur ta blessure. J'ai assez de boue sur la conscience sans ça. Non, tu n'as qu'à bien t'accrocher à moi et tout ira bien. Oh, attention! Là, là, là, Dan. Dan, là. Voilà. Oh, oh. Allez, mettez... Là, fais attention. Là. Bien. C'est ça que tu appelles bien. Nous sommes en bas et à peu près indemnes. Tu entends? Un vrai âne. Son père et sa mère étaient de vrais ânes. Tu sais une chose, je crois que je vais prendre ma retraite. Ta retraite? Et vivre à la maison? De ta pension? Ne plus me battre avec ces maudites marches. Ne plus me traîner sur cette route infernale. Rester à la maison, sur les débris de mon cul, à compter les heures. Jusqu'au prochain repas. Je revis, rien qu'à y penser. En avant, tant que ça dure. Attention au trottoir. Et hop là. Bravo. Nous voilà tranquilles. Plus qu'à filer droit devant nous. Filer droit. Elle appelle ça filer droit. Tais-toi. Ne parle pas en marchant. Tu sais très bien que ce n'est pas bon pour ton rétrécissement mitral. Ne pense plus qu'à poser un pied devant le suivant. C'est comme ça qu'on dit. Voilà, nous sommes lancés. Je savais bien qu'il y avait quelque chose. Avec toutes ces émotions, je n'y pensais plus. Bon Dieu. Mais tu dois savoir, Dan, bien sûr, tu étais dedans. Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi. Il ne s'est jamais rien passé, que je sache. Mais tu dois! Ah! Ces arrêts, ces redépars, c'est infernal! Infernal! À peine je me mets en branle et commence à me sentir emporté par l'élan, que tu t'arrêtes pile! 100 kilos de cellulite! Qu'est-ce qui t'a pris de venir me chercher? Lâche-moi! Non! Je veux savoir! On ne décollera pas d'ici avant que tu me le dises. Un quart d'heure de retard sur un parcours de 30 minutes, ça n'existe pas. Je ne sais rien. Lâche-moi ou je t'en vais valser. Mais tu dois savoir. Tu étais dedans. C'était au départ? Vous êtes parti à l'heure? Ou pendant le trajet? Il s'est passé quelque chose pendant le trajet? Dan! Pourquoi ne veux-tu pas me le dire? Pauvre Maddy. Qu'est-ce que c'est? Les petits Lynch, les jumeaux qui se fichent de nous. Tu crois qu'ils vont nous lancer des pierres aujourd'hui? Faisons volte-face et bravons-les. Menace-les de ta canne. Ils se sont enfuis. Tu n'as jamais eu envie de tuer un enfant, couper le cours à un fiasco en fleurs. Que de fois, la nuit, l'hiver, sur cette route noire, j'ai failli tomber sur le gosse. Pauvre Jerry. Qu'est-ce qui me retenait alors? Pas la crainte des hommes. Si on continuait un peu à reculons. Reculons? Oui. Ou toi, droit devant toi et moi, reculons. Le couple idéal, comme les damnés de Dante, la tête vissée à l'envers. Nos larmes arroseront nos fesses. Qu'est-ce qu'il y a, Dan? Tu n'es pas bien? Bien? Est-ce que j'ai jamais été bien? Le jour où tu as fait ma connaissance, j'aurais dû être au lit. Le jour où tu m'as demandé en mariage, les médecins me condamnaient. Ça, tu le savais, n'est-ce pas? La nuit où tu m'as épousé, on m'a emporté sur une civière. Ça, tu ne l'as pas oublié, je pense. Non, on ne peut pas dire que je sois bien. Mais je ne suis pas plus mal. Je suis même plutôt mieux. La perte de mes yeux m'a donné un coup de fouet. Si je pouvais devenir sourd et muet, je serais foutu de me traîner jusqu'à mes 100 ans. Où est-ce chose faite? Ai-je 100 ans aujourd'hui? Ai-je 100 ans, m'a dit? Tout est calme. Pas âme qui vive. Personne à qui demander. Le monde mange. Le vent remue à peine les feuilles. Et les oiseaux sont là de chanter. Les vaches et les moutons ruminent en silence. Les chiens sont assoupis. Et les poules couchées dans la poussière. Nous sommes seuls. Personne à qui demander. Nous avons démarré à midi pile. Ça, je peux le certifier. J'ai été... Comment peux-tu le certifier? Je peux le certifier, je te dis. Tu veux mon rapport, oui ou non? À midi pile, j'étais seul dans le compartiment, comme d'habitude. Du moins, je l'espère, car j'ai été d'un sans-gêne, d'une inconvenance. Enfin, mon esprit... Mais pourquoi ne pas nous asseoir quelque part? Aurions-nous peur de ne plus pouvoir nous relever? Nous asseoir sur quoi? Sur un banc, par exemple. Il n'y a pas de banc. Alors sur un talus, laissons-nous tomber sur un talus. Il n'y a pas de talus. Alors on ne peut pas. Je rêve d'autres routes, dans d'autres pays. D'une autre maison, d'une autre maison. De quoi est-ce que je voulais parler? De ton esprit. Mon esprit, tu es sûr? Mon esprit? Ah, en effet. Dans le compartiment vide, mon esprit s'est mis à travailler, comme souvent cela m'arrive après le turbin, sur le chemin du retour, au champ des Bogets. Je me disais, tu payes ton abonnement 12 livres par an, et tu gagnes l'un dans l'autre 7 shillings par jour, soit juste de quoi acheter les sandwichs, petits verres, tabac et illustrés qui te permettent de rester debout, assis, en attendant de pouvoir rentrer à la maison et t'écrouler sur ton lit. Sans parler du reste. Loyer, assurance, souscriptions diverses, chauffage, éclairage, permis et licence, entretien des locaux, sauvegarde des apparences, par si par là un timbre poste, cheveux et barbe, tramway aller-retour, pour boire au guide bénévole et tu en passes. Il est donc évident qu'à rester couché chez toi, jour et nuit, hiver comme été, en changeant de pyjama tous les 15 jours, tu augmenterais considérablement tes revenus. Les affaires, disais-je. Ah ah. Quelqu'un a crié. Ça doit être Madame Tollet. Son pauvre mari souffre sans trêve et là-bas sans merci. C'est tout? Où est-ce que je voulais en venir? Les affaires. Ah oui, les affaires. Les affaires, mon cher, me disais-je. Retire-toi, les affaires. Elles se sont retirées de toi. On a de ces moments de clairvoyance. Je suis glacée, je n'en peux plus. D'autre part, me disais-je, il y a les horreurs de la vie chez soi. Brossage, frottage, balayage, grattage, cirage, suçage, polissage, raclage, lavage, séchage, arrosage, brassage, rinçage, grinçage, balaxage, claquage, en un mot, le ménage. Et toute la sale marmaille des voisins, braillant et pétant de vie et de bonheur. En faire des fins de semaine, tu en sais quelque chose. Mais qu'est-ce que ça doit être les jours ouvrables? Un mercredi, un vendredi. Qu'est-ce que ça doit être un vendredi? Et je me suis repris à songer à mon bureau dans l'impasse, à mon sous-sol silencieux, avec sa plaque où le temps a effacé mon nom, son lit de repos et ses tentures de velours. Et à tout ce que ça représente d'y être enterré vif, ne fût-ce que de 10 à 5, mes rafraîchissements à portée de main. Rien, me disais-je, même pas la mort dûment constatée, ne pourra jamais remplacer ça. Ce fut alors que la réalité me reprit. Tiens, me suis-je écrié. L'arrêt. Qu'est-ce que tu as à te pendre à mes basques comme ça? Tu perds connaissance? Je suis transi. Je n'en peux, mais le vent siffle à travers ma robe d'été comme si je n'avais rien par-dessus mon pantalon. Je n'ai rien avalé de solide depuis mes 10 heures. Tu ne m'écoutes plus, je parle et tu écoutes le vent. Non, non, je suis tout ouïe. Dis-moi tout. Puis, en avant, à pleine voile, sans halte ni trêve, jusqu'au Havre. Sans halte ni trêve, jusqu'au Havre. Tu sais, Maddy, on dirait quelquefois que tu te bats avec une langue morte. C'est vrai, Dan. Je ne sais trop bien ce que tu veux dire. J'ai souvent cette impression. C'est indiciblement pénible. J'avoue que moi-même, je l'ai par moments. Quand il m'arrive de surprendre ce que je suis en train de dire. Eh bien, tu sais, elle finira bien par mourir. Tout comme notre pauvre vieux Gaélique, après tout. Mon Dieu! Oh, le joli petit agneau frisé qui pleure après sa maman. La leur n'a pas changé depuis l'Arcadie. Où en étais-je de mon discours ? À l'arrêt. Ah oui. J'en ai conclu naturellement que nous étions entrés en gare et n'allions pas tarder à repartir. Et je suis resté à ma place, sans inquiétude. C'est calme aujourd'hui, me disais-je. Personne ne monte, personne ne descend. Puis, comme le temps fuyait et toujours rien, j'ai compris mon erreur. Nous n'étions pas entrés en gare. Et tu ne t'es pas levé d'un bond pour te pencher à la portière ? À quoi ça m'aurait-il avancé ? Eh bien, tu aurais crié jusqu'à ce qu'on vienne te dire ce qui n'allait pas. Je m'en fichais de ce qui n'allait pas. Bon, je suis simplement resté à ma place en me disant ce convoi ne bougerait jamais plus d'ici, que cela me serait à peu près égal. Puis petit à petit, un besoin de... Comment dirais-je, un besoin, tu sais, de plus en plus pressant. Nerveux, probablement. Oui, maintenant, j'en suis sûr. Tu sais, la sensation d'être claustré. Oui, oui, je suis passé par là. Je me disais, si cette situation se prolonge, je ne sais vraiment pas ce que je vais faire. Je me suis levé et j'ai marché de long en large, entre les banquettes, comme un fauve en cage. Oui, ça aide, quelquefois. Au bout de ce qui m'a semblé une éternité, nous sommes repartis pour ne plus nous arrêter. J'entends la voix de Barol qui gueule le nom exécré. Je descends, Jerry me conduit au cabinet. Déception. Et voilà. Tu ne dis rien ? Dis quelque chose, m'a dit. Dis que tu me crois. Je me souviens d'avoir assisté un jour à une conférence donnée par un de ces nouveaux spécialistes du mental. J'oublie le terme exact. Il disait... Un aliéniste ? Non, non, simplement la détresse mentale. J'espérais qu'il jetterait un peu de lumière sur ma vieille hantise des fesses de cheval. Un vétérinaire ? Non, non, simplement la misère mentale. Le nom me reviendra dans la nuit. Il nous a raconté l'histoire d'une petite fille très étrange et malheureuse. Et comment, après l'avoir soignée sans succès pendant des années, il avait dû finalement y renoncer. Il n'y avait rien trouvé d'anormal, disait-il. Elle n'avait rien. La seule chose qu'elle avait, selon lui... c'est qu'elle était en train de mourir. Il s'en est donc lavé les mains. Et elle est morte, en effet, peu de temps après. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a là de si extraordinaire ? Non, c'est seulement quelque chose qu'il a dit et sa façon de le dire qui me poursuivent depuis. Tu y penses la nuit dans ton lit, en te tortillant comme un ver, sans pouvoir fermer l'œil. À ça, il y a d'autres horreurs. Quand il en a eu fini avec la petite fille, il est resté courbé sur sa table un bon moment. 2 minutes au moins. Puis brusquement, il a relevé la tête. Et s'est écrié comme s'il venait d'avoir une révélation. Elle n'était jamais née réellement. Voilà ce qu'elle avait. Il a parlé sans note d'un bout à l'autre. Je suis partie avant la fin. Rien au sujet de tes fesses. M'a dit. Il n'y a rien à faire pour ces gens-là. Pour lesquels y en a-t-il ? On dirait du sanskrit. Je suis tourné dans quel sens ? Quoi ? Je ne sais plus dans quel sens je suis tourné. Tu t'es détourné ? Tu es courbé sur le fossé. Il y a un chien crevé là-dedans. Non, non, rien que des feuilles pourries. En juin ? Des feuilles pourries en juin ? Oui, oui, mon chéri. De l'année dernière, et de l'année d'avant, et de l'année d'avant encore. Voilà mon joli Citis. Le pauvre. Il perd toutes ses grappes. Voilà les premières gouttes. Bruine d'or. Hein? Ne t'occupe pas, mon chéri, je baragouine toute seule. Je me demande si les bardeaux peuvent procréer. Tu dis? Viens, mon chéri, ne t'occupe pas, on va se faire saucer. Si les quoi peuvent quoi? Les bardeaux procréer. Tu sais, les bardeaux ou les émiones? Enfin, tu vois? N'est-ce pas qu'ils sont impuissants ou stériles? Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ce n'était pas le petit d'un âne, tu sais, pas du tout. J'ai demandé au professeur de théologie. Il devrait savoir, lui. Oui, c'était un bardeau. Il est entré à Jérusalem. C'était bien à Jérusalem. Sur le dos d'un bardeau. Ça doit signifier quelque chose. C'est comme les passereaux, que beaucoup desquels nous valons plus. Ce n'étaient pas des passereaux du tout. Que beaucoup desquels? Tu exagères, m'a dit. Ce n'étaient pas des passereaux du tout. Ça fait monter notre prix. Tu veux du fumier? Pourquoi tu t'arrêtes? Tu veux parler? Non. Alors pourquoi tu t'arrêtes? C'est plus facile. Tu es très mouillé. Jusqu'au trognon. Trognon? Origine celtique. Nous mettrons nos vêtements à sécher et nous passerons nos douillettes. Mets ton bras autour de moi. Sois gentil avec moi, Dan. Oh, Dan. Toute la journée, le même vieil air. Toute seule dans cette ruine. Pauvre femme. Elle doit être vieille comme le monde maintenant. La mort et la jeune fille. Tu pleures? Prêche demain. Le vieux? Non. Dieu soit loué. Qui? Hardy. Le moyen d'être heureux, quoique marié. Mais non, il est mort, je te rappelle. Aucun rapport. On a annoncé le texte. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés. Serre-moi plus fort. Oh oui. J'entends quelque chose derrière nous. On dirait Jerry. C'est lui. Vous avez laissé... Prends ton temps, mon petit bonhomme. Ton petit cœur va péter. Vous avez laissé tomber quelque chose, monsieur. Monsieur Burrell m'a dit de vous courir après. Montre. Qu'est-ce que c'est? Quelle est cette chose, Dan? Ce n'est peut-être pas à moi. Monsieur Burrell a dit que si, monsieur. On dirait comme une petite balle. Et cependant, ce n'est pas une balle. Donne-moi ça. Qu'est-ce que c'est, Dan? C'est une chose que je garde sur moi. Oui. Mais qu'est-ce que... C'est une chose que je garde sur moi! Je n'ai pas de petite monnaie. Tu en as, toi? Je n'en ai donc une sorte. Nous sommes à court de monnaie, Jerry. Rappelle à Monsieur Rooney lundi qu'il doit te donner un penny pour ta paix. Oui, madame. Si je vis encore. Oui, monsieur. Jerry! Tu sais ce qui s'est passé? Tu sais pourquoi le train est arrivé en retard? Comment veux-tu qu'il le sache? Viens! Qu'est-ce que c'était, Jerry? C'était... Laisse-le tranquille, il ne sait rien, viens! Qu'est-ce que c'était, Jerry? C'était un petit enfant, madame. Qu'est-ce que tu veux dire? Un petit enfant? Un petit enfant qui est tombé du train, madame. Sur la voie, madame. Sous les roues, madame. La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter « Tous ceux qui tombent », pièce radiophonique de Samuel Beckett, traduite de l'anglais par Robert Pinget. Maryse Paillet interprétait le rôle de Madame Rooney, une vieille dame. Roger Blin, celui de Monsieur Rooney, le mari. Pierre Latour était Christy, le charretier. Georges Adet, Monsieur Tyler. Un coulissier en retraite. Léon Scorn, M. Slocum, secrétaire au champ de course. Jean-Martin Tommy, un porteur. Albert Rémy, M. Barrel, le chef de gare. Raymond, Mademoiselle Fitt, une demoiselle entre deux âges. Jacqueline Harpet, une femme. Ariel Semenoff, la petite Dolly. Patrick Morin, le petit Jerry. À la batterie, Lino Pirollo. Prise de son, Guy Louvet. Assistante de production Nicole Guesveller, réalisation Alain Trutat.